Hommage aux membres de l'administration d'Afrique qui ont servi au Congo belge et au Rwanda-Burundi, avec l'étoile congolaise là-dessus. Pourquoi la plaque est ici? Parce que ce bâtiment-là, c'était le ministère des colonies de 1925 jusqu'à 90, mais en 90, ça ne s'appelait plus le ministère des colonies. Mais il y avait aussi, donc tous ceux qui travaillaient devaient passer dans ces trois portes-là. Et aussi, quand on faisait des recherches, les archives africaines étaient là et la bibliothèque africaine était là. Maintenant, elle a déménagé vers la rue de la Loi. Et donc, tous ces fonctionnaires passaient ici. C'est pour ça qu'on a mis la plaque ici. Mais ce qui est aussi important, donc, ce bâtiment-là, qui est maintenant la maison Bellevue, c'était une maison privée qui appartenait à un certain monsieur de Proft. Et Léopold II a acheté le bâtiment en 1905 avec de l'argent congolais. Et c'est comme ça que c'est devenu une dépendance du palais. En fait, le palais ici à côté, et donc là, les arbres qu'on voit, c'est déjà le début du jardin du palais. Et qu'est-ce qu'on va faire comme promenade maintenant? On va faire un tour du palais seulement, parce que tous les centres de décision du temps de Léopold II pour le Congo se trouvaient tout près du palais. Après, quand la Belgique a repris, il y a 100 ans, le centre de décision s'est déplacé de l'autre côté du palais, c'est-à-dire le parc royal. Et là, côté gauche, il y avait la Société Générale, côté droite, il y avait les firmes privées. Donc vraiment, tous les centres de décision, dès le début de la colonisation, par Léopold II jusqu'à l'indépendance, ils se trouvent à 200 mètres du palais, parce que c'est le palais qui était l'actionnaire principal de la colonisation, même après la reprise. Donc on va commencer le tour, comme je dis, donc maintenant c'est la cour d'arbitrage, je crois. Ils ont enlevé les écriteaux parce qu'ils ont changé le nom ou quelque chose comme ça. Mais allez, donc c'était le ministère donc, des colonies de 1925. Je crois que vous avez une erreur sur le monument. Il n'a pas été premier roi de Jérusalem. Il a refusé. Non. Il a refusé et il a dit là où le Christ est mort, je ne veux pas être roi, je serai protecteur du Saint-Sépulcre. Oui, mais ce qui est écrit, c'est roi de Jérusalem. Oui, je veux dire l'interprétation. Je vous ai dit, c'est une erreur historique qui a été inscrite là sur le monument. Pour Léopold II, c'était ça. À cette époque, tout le monde le croyait. Tout le monde le croyait. On avait qu'à relire les livres d'histoire de l'époque, notamment le fameux spécialiste. Connaissait. Donc on passe un petit peu par là, de l'autre côté de la place. On me l'a dit à l'école aussi. Et j'ai des cheveux blancs, donc ça veut dire que j'étais à l'école il y a très longtemps. Mais c'est une erreur historique. Oui, mais c'est ce qui est sur la statue et c'est la façon dont on a utilisé la statue pendant la période de Léopold II. Vous êtes passé 100 fois devant, mais vous n'aviez pas réalisé qu'il y avait place royale, la statue d'un conquérant, d'un croisé, encore révéré comme roi de Jérusalem et souvent invoqué comme héros belge. Godefroy de Bouillon. On dit que ses troupes avaient du sang jusqu'aux chevilles des chevaux lorsqu'il pénétra dans le temple de Jérusalem. Sur la place royale toujours, Lucas Catherine nous mène maintenant jusqu'à l'angle de la rue de Namur. Donc ici, au numéro 5, il y avait le café du Globe. Et le café du Globe, dans ce café-là a été fondé le premier cercle colonial dans le temps par Albert Tess. Et en 1886, si j'ai la bonne mémoire. Dans ce café du Globe, donc, se réunissaient les premiers gens qui étaient occupés avec la colonisation. Mais je dois dire, il y avait encore d'autres gens qui passaient par là. Entre autres, Baudelaire, il visitait ce café. Et donc, on sait aussi que Baudelaire, il a terminé sa vie en Afrique orientale et selon certains, ou à peu près, il a fait carrière en Afrique orientale et selon certains, il s'est occupé de trafic d'armes là. Il va falloir parler là pour que tout le monde puisse entendre. C'est pas Baudelaire, c'est Rimbaud. Pardon, oui, c'est vrai, c'est Rimbaud. Baudelaire a été Rimbaud. Dans l'église Saint-Loup. Je mélange les deux, parce qu'ils étaient ensemble ici à Bruxelles. Donc, merci, monsieur. Non, merci. Tu veux bien parler là-dedans pour que tout le monde puisse entendre, d'accord? Parce que là, c'est un petit peu dur vu qu'il y a pas mal de monde. Oui, donc je répète parce que c'est fini ici. Ouais, d'accord, mais ou alors prends le plus loin. On remonte maintenant la rue de Namur jusqu'au numéro 10, devant l'ancien siège de l'Association internationale africaine. Qu'est-ce que l'Association internationale africaine ? Eh bien, il faut savoir que de son couronnement en 1865 jusqu'à la constitution du Congo en État indépendant en 1885, Léopold II ne parvint pas à convaincre le gouvernement et l'opinion publique belge de s'engager dans des expéditions coloniales. D'où création par ce roi têtu de sociétés pseudo-scientifiques et philanthropiques ayant pour but de lever des fonds et de faire des emprunts pour réaliser la conquête d'un territoire en Afrique centrale. Dès sa création, la couverture morale du projet colonisateur léopoldien est l'apport de la civilisation aux populations noires et leur libération de l'esclavagisme pratiqué alors par les musulmans de Zanzibar. Un alibi humanitaire, bien avant Bernard Kouchner et Louis Michel. Ici derrière était la Banque belge d'Afrique. Ça n'a pas tellement d'importance. Le bâtiment d'en face est beaucoup plus important. Comme c'est marqué là, c'était l'école militaire belge. Mais c'est plus important pour ce qui s'est devenu après. C'était en fait le chaise, le quartier général. C'est pas allumé. Pardon. C'était le chaise, donc le quartier général de l'Association internationale africaine. Quelle était l'Association internationale africaine fondée en 1876? Eh bien, c'était l'organisme que Léopold II utilisait pour que les grandes puissances européennes lui donnent l'accord qu'il fasse une colonie en Afrique centrale. Après 2 ans, donc, ils ont changé de nom et c'est devenu le comité d'études du Haut Congo, et donc qui a repris ça. Et qui était dans ce comité? Eh bien, à ce moment-là, Léopold II n'avait pas encore de fric. Il a fait son argent au Congo, surtout. Et donc, il y avait, par exemple, le baron Lambert, qui était un des financiers. Et il y avait plusieurs banquiers et un autre, Bruckmann, bien connu des Bruxellois, parce qu'il y a une avenue Bruckmann, un hôpital Bruckmann et un parc Bruckmann. Donc, ils étaient là-dedans. Et en fait, c'était aussi le bureau de recrutement du personnel. Donc, comme ça appartenait à Léopold II, ce n'était pas l'État belge qui pouvait envoyer des gens là-bas. Et donc, on recrutait ici. Et en fait, c'était surtout des militaires détachés à l'État indépendant du Congo, mais d'autres gens aussi. Par exemple, celui qui a écrit le premier roman sur le Congo, Joseph Conrad, Into the Heart of Darkness, eh bien, il s'est enroulé, engagé ici, comme il a servi sur les bateaux qui font la rivière Congo. Donc c'est ici qu'il a signé son contrat. Joseph Conrad a décrit dans « Au cœur des ténèbres », écrit en 1899, l'idéologie qui régnait lorsqu'il fut employé comme capitaine pour conduire un vapeur sur le fleuve Congo. Il est ici reçu par sa tante qui a facilité son engagement. Il y avait eu dans ces jours-là une telle avalanche de paroles et d'écrits à ce sujet, et l'excellente femme qui vivait en plein milieu de ce verbiage s'était laissée embobiner. Elle parla d'arracher ces millions d'ignorants à leurs mœurs effroyables, à tel point que je finis, je vous le jure, par me sentir gêné. Je me hasardai à insinuer que la compagnie travaillait aussi en vue de ses propres bénéfices. « Tu oublies, mon cher Charlie, que toute peine mérite salaire, » me répondit-elle vivement. Thank you. Donc on se trouve maintenant dans la rue Brederode. Brederode n'a rien à voir avec le Congo, c'était un leader d'Agueux quand on faisait notre révolution contre les Espagnols dans le temps. Mais la rue Brederode était très connue, c'était un petit peu comme la rue de la Loi ou Downing Street à Londres, c'est-à-dire le centre de décision. Quand on disait, c'est une par exemple Van der Velde, quand il faisait ses interpellations au Parlement contre Léopold II, parfois il disait « j'ai mes informations de la rue Brederode ». Ça veut dire qu'il avait ça d'un de ses quartiers généraux qui était ici. En fait, côté gauche, c'était plutôt Léopold II même. Côté droite, c'était les compagnies privées. Et il y avait toutes sortes de compagnies privées. Cimenterie, cacao, tout ce qu'on peut imaginer comme qui avait donc un commerce avec le Congo. Les bâtiments qu'on voit à droite, ils ne datent pas de la période de Léopold II, ils ont été faits juste avant la Première Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale. Mais après, c'était aussi des bâtiments utilisés pendant la période coloniale belge. Par exemple, jusqu'à très récemment encore, on devait faire ses vaccinations quand on partait en Afrique, ici, dans le centre médical des affaires étrangères. Et il y a encore, maintenant encore, un cabinet Verwilgen, je crois, qui s'occupe de l'aide au développement ou quelque chose comme ça. Derrière, dans la rue, on aura encore les façades du temps de Léopold II, mais on va se déplacer 20 mètres jusqu'aux arbres, là, où il y a le quartier, un des quartiers généraux de l'État indépendant du Congo. Compagnie immobilière du Congo, compagnie sucrière du Congo, charbonnage de la Luena, compagnie générale de l'automobile et de l'aviation du Congo, les moulins de Léopoldville, la compagnie du Katanga, la compagnie du Lualaba, Urselia, le comptoir commercial congolais. Toutes ces firmes avaient leur siège dans la rue Brederode, juste derrière le palais royal, qui en était bien souvent principal actionnaire. L'économie du Congo indépendant de Léopold II est tout d'abord dominée par l'ivoire. Le roi qui a dépensé 11 millions de francs belges pour sa conquête doit rembourser ses emprunts. Il nationalise des terres dites « vacantes », en vérité des endroits où la population est mise au travail forcé et ponctionnée. De telle sorte que dans cet état humanitaire, prétendument créé pour apporter la civilisation, les esclaves libérés des Zanzibarites se retrouveront bientôt offerts dans les plantations de caoutchouc. Ou contraint d'effectuer des corvées de portage, réclamées comme impôt colonial. On estime à 10 millions le nombre de Congolais disparus sans laisser de traces dans l'industrie coloniale à l'année 1920. La conférence de Berlin de 1884, qui avait scellé l'approbation internationale de la création du Congo léopoldien, avait acté que toute puissance qui exerce ou exercera des droits de souveraineté dans les territoires susvisés, soit le Congo, ne pourra y concéder ni monopole ni privilège d'aucune espèce en matière commerciale. Mais en fait, l'exploitation de l'ivoire, puis du caoutchouc, seront au seul bénéfice de la métropole belge, où Léopold II entreprend de grands travaux d'embellissement de Bruxelles, tandis que le Congo attend encore la fameuse civilisation qui lui était promise. Toujours dans la rue Brederode, Lucas Catherine nous montre le quartier général de l'État indépendant du Congo. Donc ici on est devant le dernier quartier général de l'État indépendant du Congo. À première vue, vous ne voyez rien de congolais à ça, et ça c'est normal. Ça a été fait par un Danois. Et comment ça s'est fait ? Eh bien, Léopold II avait l'habitude de faire son shopping dans les expositions universelles. Eh bien, à l'exposition universelle de Paris, en 1899, je crois, il a vu le pavillon danois. Il trouvait ça extraordinaire. Il a vu aussi une tour japonaise et un pavillon chinois. Eh bien, il a acheté la tour japonaise et le pavillon chinois aussi à ce moment-là. Mais donc, l'architecte qui avait fait le pavillon danois, un certain Knudsen, il a dit « il faut construire pour moi ». Il a construit celui-ci, donc qu'on appelle maintenant « Viking Art Deco ». Et comment on reconnaît que ça a à voir avec le Congo? Il y a l'étoile congolaise là, en or, en haut, quatre fois ou trois fois sur la façade donc. Le même Knudsen a aussi construit les étables royaux à Ostende et le pavillon de Raverseth. Donc Léopold II était vraiment fan de lui. Maintenant, c'est le siège ou un bâtiment qui appartient à la Fondation Roi Baudouin. Ce qui est marrant, c'est que moi j'ai été à l'école ici, rue des Thérésiens à droite. Avant, il y avait un mur dans les années 60, hein, donc on ne voyait pas ça. Et donc, en fait, ça se trouve dans le jardin du palais. Hein. L'arbre qui est là derrière, c'est le jardin du palais. Et Léopold, qu'est-ce qu'il devait faire pour gouverner le Congo? Il promenait dans son jardin, il venait ici au quartier général du Congo. Et c'est comme ça qu'en se promenant, il pouvait gouverner le Congo. Et il y a quelque chose encore que je peux raconter sur l'étoile, là. Donc Léopold II a organisé au minimum trois grandes expositions sur le Congo. On oublie les deux premiers toujours qui ont eu lieu à Anvers. Mais donc l'exposition pour le grand public, c'était à Tervuren en 1897. Eh bien là, il y avait une brasserie qui avait le monopole de la bière. Et ça, c'est l'anecdote parce que c'était le système dans les grandes expositions universelles qu'une firme pouvait demander le monopole d'un certain boisson. Par exemple, à la première grande exposition universelle de Londres, pour tout ce qui était eau pétillante, c'était les frères Schweppes. Eh bien, on boit encore tout le Schweppes. Hein. Eh bien, donc, il y avait une brasserie louveniste qui avait gagné le premier prix de la bière à l'exposition à Anvers. Et elle avait le monopole pour la bière à Tervuren. Et c'était la brasserie Artois. Et depuis ce temps-là, elle s'appelle Stella Artois. Stella, qui est en latin étoile, et c'est l'étoile du Congo qui a été reprise. Et donc, c'est parce qu'elle était la seule bière qu'on pouvait boire à l'exposition universelle à Tervuren, là. Peut-être une autre anecdote. On se demande toujours pourquoi Léopold n'a pas été au Congo. C'est pas seulement parce qu'il pouvait gérer le Congo d'ici, c'est vrai, mais il avait beaucoup voyagé. Il ne faut pas oublier qu'il a été à Hong Kong. Il était à Hong Kong au moment que son père était sur son lit de mort, donc il a dû rentrer de là. Il a visité Ceylan, il a visité l'Indonésie, il a fait deux fois l'Égypte, il a fait la Turquie, il a fait l'Espagne, le Maroc deux fois. Donc c'était un grand voyageur, il n'a jamais voyagé donc au Congo. Eh bien, c'est parce que tous ces voyages qu'il avait fait, il le faisait avec le but d'acquérir quelque chose. Par exemple, quand il allait en Turquie, c'est parce qu'il voulait coloniser ou avoir comme possession l'île de Crète. Et donc, ces voyages, c'était toujours en préparation d'acquérir quelque chose. Eh bien, il a acquéri le Congo sans qu'il devait y aller. Et donc, il n'est jamais y allé parce que l'affaire marchait. Il ne fallait pas faire vraiment d'efforts. Il y a une deuxième raison, c'est qu'il y avait une certaine phobie. Sa maîtresse Blanche dit que même au lit, parfois, il mettait une sorte de housse sur sa grande barbe parce qu'il ne voulait pas qu'il y aura des infections. Et donc, par exemple aussi, comme il lisait le Times, le journal anglais, où il y avait surtout des critiques contre lui, il lisait ça tous les jours. Ça arrivait avec le bateau à Ostende, puis le train Ostende-Vienne, qui passait par le château de Laeken, où il y a une petite gare royale comme ça. Là, on jetait le Times dans un étui en cuir comme ça. Et alors, avant de le lire, il voulait toujours qu'on passait le fer à repasser là-dessus pour tuer les microbes. Donc, comme il avait à la fin de sa vie tellement une phobie des infections, c'est aussi une des raisons pourquoi il n'a pas y allé. Donc ici, ces bâtiments-là, donc, quand dans les années 60, il y avait encore, avec des lettres en cuivre, marqué leur fonction. Donc banque ou des trucs comme ça. Comme le cuivre est cher, ils ont enlevé ça. Donc on ne voit plus rien maintenant, sauf à droite. Là, il y a encore une inscription qui dit « Banque Congo-Belge », mais elle n'est pas en cuivre, elle est dans le marbre, donc on ne sait pas l'enlever. À droite, on peut encore la voir. Donc ça, c'était le quartier général de l'État indépendant du Congo de 1905 jusqu'à la fin. Il y a eu d'autres quartiers qu'on va voir maintenant. Vous écoutez Radio Panique, plein la tête pour pas un rond, une visite de Bruxelles coloniale. Guidée par l'historien Lucas Catherine, sur proposition du collectif Mémoire coloniale, le 14 septembre 2008. Lors de la conférence de Berlin de 1884, on avait également décrété que toutes les puissances exerçant des droits de souveraineté ou une influence dans les dix territoires, toujours le Congo, s'engagent à veiller à la conservation des populations indigènes et à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles d'existence, et à concourir à la suppression de l'esclavage et surtout de la traite des Noirs. Mais s'adressant à l'explorateur Henry Morton Stanley pour lui préciser dans quelles conditions il devait créer le Congo, Léopold II lui avait écrit: il est question de créer un nouvel État, aussi étendu que possible, et de l'organiser. Il doit être clairement compris que dans ce projet, il n'est pas question de garantir le moindre pouvoir politique aux populations nègres. Ce serait absurde. Et ici, on est donc derrière, c'est l'arrière du palais royal. Et comme c'est marqué, c'est la donation royale qui se trouve ici. Qu'est-ce que la donation royale? Bien, à la fin de sa vie, quand Léopold II avait amassé une énorme fortune, mais aussi en biens immobiliers. Par exemple, il y avait beaucoup de terrains en Wallonie, dans les Ardennes. Il avait des terrains à la côte, il avait beaucoup de maisons. Pas seulement les palais qu'on connaît, et il ne voulait pas que toute cette propriété allait être divisée entre ses filles. Donc il a alors inventé quelque chose, il a dit « je vais donner ça ». Mais il va donner ça à qui? Eh bien, à la monarchie en soi. Donc, l'usufruit de tous ces biens revient à celui qui... pour la constitution belge et le monarque à ce moment-là. Donc ça veut dire pas ses héritiers directs, mais celui de la famille qui devient roi pouvait en profiter. C'est pour ça que ça se trouve ici. Donc ce sont des biens qui sont gérés à part par une fondation, mais qui est tout à fait contrôlée par le palais, pas seulement qu'elle se trouve ici, à l'arrière du palais, mais quand je donne par exemple quelques gens du conseil d'administration, ce sont les noms de 2005, et bien le président c'est Frank de Koning, grand maréchal à la cour, c'est Thierry Janssens de Bisthoven, conseiller à la maison de la reine Fabiola, je peux en continuer comme ça, entre autres Claire Kirchen, chef de cabinet adjoint, pensionné maintenant du roi. Il y a Vincent Pardoux, intendant de la liste civile du roi. Donc il y a, comme ça, on voit que toute cette fortune qu'il a laissée et qui est soi-disant pas propriété de la monarchie est en fait l'usufruit, va à la monarchie et c'est en fait la monarchie qui la gère par son conseil d'administration qui se trouve à l'arrière-côté du palais, parce que là où il y a les gendarmes ou la police, c'est le vrai entrée du palais. Donc les gens qui ont affaire au palais pour faire des recherches même, on entre par ici, on n'entre pas par l'avant. L'avant, c'est pour les touristes. Ici, c'est la vraie entrée. Et la maison ici à côté, Astrid, avant que quand elle était mariée, elle habitait ici. On a une idée de la valeur de cette fortune donation. Maintenant, Tom. Donc, je ne sais pas comment le dire en français. En irlandais, on dit on ne peut pas dénuder la couronne et surtout pas leurs finances. Note en bas de page au propos de Lucas Catherine. Ne pas confondre dotation royale et donation royale. La dotation royale, c'est le salaire de la famille royale. On estime qu'elle touche 30 millions d'euros par an de la part de l'État belge. La donation royale, c'est, comme nous l'explique Lucas Catherine, les biens que Léopold II a donc donnés à l'État belge pour qu'il profite à la famille royale. Soit un patrimoine d'environ 450 millions d'euros en biens immobiliers et actionnariaux, qu'il faut ajouter aux 300 millions d'euros auxquels on estime la fortune propre de la couronne belge, avec tout le respect qu'on lui doit. Tout le bloc ici appartient encore à la donation royale et les façades sont encore comme dans le temps de Léopold II. Qu'est-ce qui s'est passé ici dans ces bureaux-là? À un certain moment, au début du règne d'Albert Ier, il y avait vraiment une sorte de culte de Léopold II. La majorité des monuments ont été construits à ce moment-là aussi. Il y avait des gens qui s'appelaient les admirateurs de Léopold II, qui avaient fait une grande exposition sur lui. Et le palais était tellement content qu'ils ont dit il ne faut pas que cette exposition soit seulement temporaire, il faut avoir un endroit où les gens peuvent voir ça tout le temps. Ils ont changé de nom, ils se sont nommés les admirateurs de Léopold II et de la monarchie. Ils ont reçu un certain nombre d'objets. Et bien c'est comme ça que s'est ouvert ici le premier musée de la dynastie. Jusque les années 90, c'était le musée de la dynastie. C'est seulement après que c'est maintenant au musée Bellevue. Mais par exemple, dans les années 60, 70, c'était encore ici le musée de la dynastie. On va continuer par là. Et à droite, vous allez voir qu'il y a des bâtiments qui sont vraiment en ruine et qui dépendent quand même de la donation royale. Et il y a eu des interpellations au Parlement bruxellois, donc pas le Parlement fédéral, mais de la région bruxelloise. Pourquoi la donation n'entretient pas certains biens? Par exemple, là, je vais vous montrer, mais on ne va pas s'arrêter là, je vais montrer avec le doigt. Quand moi j'étais étudiant ici, il y avait des cotes d'étudiants, par exemple, là-dedans. On pouvait louer même là-dedans. Maintenant, c'est en ruine. La même chose pour le parc de forêt et le parc de Duden, donc, ce qui n'est pas entretenu et qui appartient à la donation royale. Et donc il y a eu cette interpellation au Parlement bruxellois d'un député socialiste, dont j'ai oublié le nom, qui a dit si la donation n'entretient pas ces biens, on va les confisquer. Mais confisquer, c'est très difficile parce que la donation royale, c'est déjà quelque chose d'officiel. Donc ça appartient soi-disant à l'État. En fait, on recommence comme ça que ça n'appartient pas à l'État, c'est la monarchie qui veut. Comment ça se fait alors maintenant que, comme ils ont tellement de biens, qu'ils ont des problèmes de finances? Comme on ne peut pas dénuder la couronne ni ses finances, mais il y a quand même une théorie. C'est-à-dire, qui n'est pas une théorie fantoche, je crois. Donc on a fait et on fait encore des très grands travaux à Laeken. Il y a toute une partie du palais qui n'était pas utilisée, qu'on est en train de transformer dans un hôtel de luxe pour les chefs d'État. Quand un chef d'État va par exemple à Londres, il peut loger dans le Birmingham Palace, au palais même de la reine. Ici, il doit prendre l'Hilton ou n'importe quel hôtel. Donc on veut qu'il y ait un logement pour les premiers ministres, les chefs d'État, donc qu'ils peuvent loger là. Donc, et on fait tous ces grands travaux. Il paraît que c'est ça la raison pour laquelle ils ont un petit peu des problèmes de liquidité pour le moment. Et qui paye ces travaux? Donc la fondation, la donation royale doit en fait payer tous ses frais soi-même parce qu'ils ont de très grands bénéfices. Hein. J'ai dit, pour vous donner un exemple, aussi le cinéma Vendôme à Matonguay, il appartient à la donation royale. Donc il y a des bureaux partout. Il y a là où il y a toujours les embouteillages, il y a aussi la fortune royale. C'est aux quatre bras et au pont Van Praat, par exemple, le terrain. Tout le terrain du parc Elisabeth est le terrain sur lequel est construit Kuckelberg, la basilique de Kuckelberg. Ça appartient à la donation royale. Allez, elle se trouve partout un petit peu. Et elle loue pas mal de bureaux aussi à la communauté européenne pour le moment. Mais quand même, ils ont des problèmes de liquidité. Mais en principe, ils gèrent beaucoup d'argent aussi, comme j'ai dit. Et l'usufruit, ça va à la monarchie. Donc pour l'entretien du palais ou pour les transformations du palais de Laeken, par exemple. Et parfois, l'État doit un petit peu ajouter. On essaye donc que l'État aussi paye. Au moment de la conquête du Congo, Léopold II manquait lui aussi d'argent. Non pas pour payer les terres, car Stanley les échangeait contre des marchandises de peu de valeur auprès des chefs coutumiers, mais pour fournir l'exploration, puis la guerre, et aussi pour édifier des bâtiments et des voies de circulation. Ainsi le Congo, état artificiel, a l'alibi humanitaire et à vocation prédatrice. Ainsi le Congo naît-il à crédit. C'est quand même important, non ? La mémoire collective ? Mais si, c'est important. Qu'est-ce qu'on peut y changer ? Beaucoup. Bah, c'est ce qu'on essaye de faire quand même. Si on ne fait rien, on reste sur ce... Bah, il n'y a certainement rien qui va changer. Quand même. Vous écoutez Radio Panique, une visite de Bruxelles coloniale. Sur proposition du collectif Mémoire coloniale, le 14 septembre 2008. Donc j'avais dit qu'au moment que Albert Ier est devenu roi, qu'il y a eu toute une période où on cultivait vraiment la mémoire de Léopold II, eh bien à ce moment-là, on a fait, et oui, avec tout le monde qui était assis là, mais c'est marqué encore en latin, aere privato erectum. En latin, ça veut dire donc que ça a été financé par une... que le public pouvait s'inscrire donc pour financer le bâtiment. Et donc il y a quelques lettres qui sont passées parce que c'est du cuivre. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à Vinsotte, qui était l'artiste préféré de Léopold II, de faire une statue de Léopold II. Et donc il y a eu cette inscription publique qui a donné beaucoup d'argent. Mais alors il y a quelque chose qui est arrivé. C'est qu'une des compagnies qui a fait fortune, ou qui commençait à faire fortune à ce moment-là, donc parce qu'on parle maintenant de 1926, c'est l'Union minière du Haut-Katanga. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné l'étain et le cuivre pour faire le bronze de la statue. Et c'est marqué ici. Donc le cuivre et l'étain de cette statue proviennent du Congo belge. Ils ont été gracieusement... fourni par l'Union minière du Haut-Katanga. Et qu'est-ce qui s'est arrivé? Ils avaient trop d'argent. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait deux statues pour le même prix. Et donc, un en 26, on l'a mis ici. L'autre, on l'a mis à Léopoldville, à Kinshasa. Et cette statue-là, c'est elle qui a été remise pendant 24 heures par le ministre de la Culture il y a 2 ans, si je me rappelle bien. Et donc, mais c'est tout à fait la même statue, c'est la même moule. En fait, la statue a été faite à la fonderie, qui est maintenant le musée à Molenbeek de l'archéologie industrielle de Bruxelles. Donc, cette statue, il y a plusieurs anecdotes que les Bruxellois racontent. Il ne faut pas s'asseoir là, madame, parce que regarde la queue, il va quelque chose tomber. Et ils ont aussi dit que Vinsotte, il a bien vite gagné son argent, parce qu'il n'a pas mis beaucoup de détails. Il a mis une longue redingote au roi. Et il n'y a que quelques plis et c'était tout, donc c'est vite fait. Et on dit aussi pourquoi il ne regarde pas à son palais, pourquoi il regarde de l'autre côté. Et là, il y a une très bonne explication. Parce que de l'autre côté, il y a une banque, mais il y avait toujours une banque. C'était la banque Lambert. Et comme je l'ai dit, Lambert était déjà dans le comité d'études du Haut-Congo. Et qui était le baron Lambert? C'est bien que maintenant la Belgique a des problèmes, qu'on se rappelle la construction de la Belgique. Donc le baron Lambert, c'était le beau-fils des Rothschild, et de la branche anglaise et française à ce moment-là. Ils étaient encore très liés. Et donc, qu'est-ce qui s'était passé quand la Belgique a été fondée en 1830? Ça nous a pris un an pour trouver un roi, hein, parce que le 21 juillet 31 seulement, Léopold I a donné le serment pour devenir roi. Donc on cherchait un roi, et au début Léopold Ier hésitait, parce qu'il hésitait entre la Grèce et la Belgique. Mais les Rothschilds en Angleterre, et comme il habitait à ce moment-là en Angleterre, en fait il était le petit-neveu de la reine Victoria, ils avaient dit pas de problème, si tu acceptes la Belgique, on va émettre de l'argent sur la place de Paris, on va financer cet état. Donc les Rothschild et le baron Lambert, qui était leur représentant en Belgique et en même temps beau-fils, ils avaient déjà financé Léopold I pour qu'on commence la Belgique. Alors quand Léopold II avait besoin de fric pour financer ses aventures en Afrique, il a parlé aux mêmes gens, et c'est eux qui ont financé. Et donc c'est en fait baron Lambert qui avait, et la banque Bruxelles Lambert était là, hein, après aussi, et maintenant ING je crois, hein. C'est lui qui a payé les factures de Stanley. Léopold II a engagé Stanley, mais le fric pour le payer, ça venait de Lambert. Et donc Léopold regarde vers le gars qui lui a donné la possibilité de coloniser le Congo. Thank you. Léopold II s'est donc endetté auprès de puissantes fortunes privées, mais également et surtout auprès de l'État belge. Si bien qu'à plusieurs reprises, le Congo, propriété personnelle du roi Léopold II, est sur le point d'être annexé à la Belgique. En 1895, lorsque la Belgique prête 31 millions de francs belges à son roi, par exemple, et en 1901, lorsque ce roi tarde à rembourser comme il l'avait promis. Mais Léopold II garde son état. Il se contente tout d'abord d'assouplir son monopole actionnarial sur les firmes créées, pour en ouvrir le profit à l'Angleterre notamment, et faire ainsi taire la campagne de dénonciation des crimes commis dans les plantations de caoutchouc. L'état-usine du roi Léopold II pue le cadavre, mais on peut bien se boucher le nez lorsqu'on est invité au festin des mines du Haut-Katanga et des diamants du Kassai. Vous écoutez Radio Panique, plein la tête pour pas un rond, une visite de Bruxelles coloniale. Guidée par l'historien Lucas Catherine, sur proposition du collectif Mémoire coloniale, le 14 septembre 2008. Et il y a une autre anecdote qu'il faut dire, c'est-à-dire quand les premiers évolués arrivaient en Belgique. Et qu'est-ce qu'étaient les évolués? C'était donc des Congolais qui devaient passer un examen pour montrer qu'ils pouvaient se comporter comme des Blancs. Donc manger avec couteau et fourchette, qu'ils écoutaient plus la musique africaine, mais la bonne musique classique et tout ça. Donc il fallait certains examens de comportement et de culture. Et quand on passait ces examens, il y a les 20 premiers ou quelque chose comme ça, on leur offrait un voyage en Belgique. Et en 1955, il y a une délégation qui est passée. Ils avaient un circuit typique en Belgique. Hein. Et à Bruxelles, par exemple, ils devaient toujours passer par ici et déposer une gerbe devant la statue. Nous, on va mettre tout de suite une pancarte hein, donc, de l'autre côté. Mais donc, ils devaient passer là. Et il existe encore un film aux archives de la RTBF et de la VRT où un certain Lumumba, qui n'était pas connu, dépose une gerbe ici devant la statue de Léopold II, parce qu'il était parmi ces évolués de 55. Personne ne le connaissait parce qu'il est devenu seulement important au moment de l'indépendance, quand il a commencé la politique, et surtout après son discours, en Belgique, surtout après son discours de 60. Hein. Donc, mais là, il y a déjà des images de Lumumba passant par ici, aussi au port d'Anvers, à la procession du sang de Bruges. Allez, ils avaient un parcours comme ça. Mais donc, tous les évolués, donc tous les premiers Congolais qui officiellement étaient invités en Belgique, devaient déposer obligatoirement ici une gerbe pour Léopold II. Et c'est à peu près tout sur la statue. Je ne sais pas, on va mettre Pauline, la pancarte. Ouais. Pendant qu'ils mettent la pancarte, je vais encore raconter deux choses. Elle a été peinte en rouge cette semaine par un artiste. Oui, oui. Elle a été nettoyée. Ben oui. Et si on regarde, elle n'a pas été très bien nettoyée parce qu'en dessous de la barbe, c'est encore un peu rouge. Oui, Donc, comme on vient de me rappeler, mais c'est tellement récent, et mardi, on était ici aussi parce qu'il y avait quelqu'un qui est monté et qui a mis donc, la peinture rouge sur Léopold pour marquer ses exploits sanguinaires au Congo. Donc, on met maintenant cette pancarte. Il y a là les étables qu'on appelle les étables de la reine. Sont pas tellement importants, mais au début de la colonisation du Congo, le produit le plus important était l'ivoire, pas le caoutchouc. Le caoutchouc est venu après que Dunlop et Michelin ont inventé le pneu et la chambrière. Hein. Donc c'était l'ivoire. À un certain moment, il y avait un procès contre Léopold II par un de ces gens qui récoltaient de l'ivoire pour lui. Et son conseiller Wiener, Sam Wiener, avait dit, au lieu que l'ivoire reste à Anvers pour le vendre là, il faut bien le déposer dans un endroit qui appartient au palais. Comme ça, la justice ne peut pas le confisquer. Et donc, temporairement, ça a été aussi un dépôt d'ivoire au début donc, de la colonisation. Parce qu'il ne pouvait pas être confisqué si ça appartenait à la famille royale. Non, c'est un domaine où la police avait peur de venir. Hein. J'ai dit, on fait vraiment le tour donc, du palais. Ici, il y a l'entrée, une entrée de service, et entre autres, là derrière, c'est la police spéciale du palais. Normalement, quand tu regardes les motards ici à Bruxelles, ils ont toujours police Bruxelles Capitale XL ou quelque chose comme ça. Eux, ils n'ont rien là-dessus. Ils ont seulement une couronne en or sur leur moto, et donc ils sont vraiment en permanence ici au palais pour garder ça. Et parce que parfois, il y a aussi des gens de la famille royale qui dorment ici. Normalement, ils habitent à Laeken, mais à un certain moment, ils y dorment. Et j'ai une anecdote d'un copain qui a été à la gendarmerie et qui a servi ici. Une certaine nuit, il y avait l'alarme parce que les lumières s'élevaient et tout ça de l'alarme. Et il croyait qu'il va quelque chose qui se passait. Et puis, il voyait que c'était la reine Fabiola qui, pendant la nuit, faisait en fait contrôler s'ils faisaient bien leur boulot. Et le gars, qui c'était un flamand occidental, il disait « Oh, t'es modou trutte, c'est que la vieille qui est là. » Et elle ne comprend pas le néerlandais, mais ça, elle avait compris et il a été mis à la porte à l'heure même. Donc, mais pour dire donc, c'est une porte où la police, normalement, qui garde le palais, entre par ici. On va traverser chacun sur ses propres risques vers le début du parc. Le palais n'existait pas comme il existe maintenant. En fait, c'était trois grands hôtels de maître, comme ça, comme l'hôtel Bellevue qui est à côté. Et donc, Léopold II n'aimait pas ça. Il paraît qu'il a dit, quelle horrible façade. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tout le devant. Et comme ça, on a l'impression maintenant que c'est un grand bâtiment, mais en fait, on voit encore derrière qu'il y a les trois grands hôtels de maître qui sont là. C'est lui qui a fait la façade, et entre autres, sur le Trianon, donc la décoration en forme de triangle à l'entrée, ça a été fait par Vinsot, le même qui a fait la statue donc, qu'on vient de voir, et le même qui a fait la grande statue au parc du Cinquantenaire qu'on va voir aussi. Oh,

Did you?